wesh wesh cousin. Si la famille. La ville lumière n'éclaire plus rien, Paris n'éclaire que les Ivoiriens. Dans l'RER y'a que des Maliens, pour voir des greffes faut marcher loin. Faut marcher vers le quartier latin, même si c'est cher c'est parisien. Mais faut se taper tous les bobos qui ont voté pour Hidalgo. Des coups fratés de 30 kilos, ça va être drôle pour les JO. Les rats vont chier dans le métro, à moins que ce soit un des surmulots. 9-2, 9-3, 3 merde. 9-4, 9-5, trois merde. Paris, Paris, trois merde. 9-2, 9-3, 3 merde. 9-4, 9-5, trois merde. Paris, Paris, trois merde. Je voulais aller au Sacré-Cœur, je voulais prier sans voir de beurre. Métro blindé, plus la sœur, pas un français à l'intérieur. Faut se pincer le nez, pas prendre peur. Vous connaissez le bruit et l'odeur. Sorti de la rame, c'est pas joli. Puisque Paname, c'est l'Algérie. Je croise des dames de Tunisie. Partout l'islam et l'Arabie. Je vois des imams, des Saktati. À moins que cette dame, ce soit Dati. À Notre-Dame, c'est pas joli. Plus aucune femme n'y traîne la nuit. Boko Haram, c'est vie ici. Puisque Paname, c'est le Mali. Pas d'amalgame, c'est ça qu'on dit. Dès qu'une lame plante une Sophie. 9-2, 9-3, trou à mer. 9-4, 9-5, trou à mer. La gare du Noir, la gare de Lyon, tu traînes le soir, t'as la pression. C'est l'abattoir pour les Bretons, c'est la mer Noire, pas l'Aveyron. La Côte d'Ivoire et le Gabon, traîne sur l'espoir et traque le blond. Marais, c'est non, pas de ça de grâce. J'tiens à mon fou, j'tiens à mon as. Là où ça vient, tu le ramasses. J'veux pas de mignon ni qu'on remplace. J'veux que la légende est comme cette crasse. J'regrette ton tour au champ de Mars. 9-2, 9-3, trou à mer. 9-4, 9-5, trou à mer. Paris, Paris, trou à mer. 9-2, 9-3, trou à mer. 9-4, 9-5, trou à mer.